There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize consciousness is affected? There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize our consciousness is affected? There is this thing going on. What is called the news brought to you live. Bonjour, bienvenue sur En Profondeur, sur CKUT 90.3 FM ou sur l'internet à CKUT.ca. Aujourd'hui, ce lundi 6 avril 2015, entre 17h et 18h, l'émission En Profondeur sur les ondes de CKUT 90.3 à soi-disant Montréal et sur le web à CKUT.ca consacre son émission à l'islamophobie et à ses conséquences sur les femmes musulmanes. Chris, l'animateur de cette édition d'En Profondeur, sera accompagné de Siegfried L. Matelet de la chaire UNESCO-UQAM sur les fondements philosophiques de la justice et de la démocratie, pour donner la parole à des concitoyennes musulmanes militant contre l'islamophobie dans ce qui est appelé Québec. Nous recevrons Sama Jebari, porte-parole du Forum musulman canadien, FMC, Caroline Lemoine, musulmane convertie, blogueuse et membre du groupe musulmane féministe et militante pour le droit des femmes et des minorités visibles. Anadi Saad, militante de terrain, fondatrice et porte-parole du Centre Justice Femmes, ainsi que Leila Benadjouicha, doctorante et chargée de cours à l'UQAM, spécialisée sur le féminisme des musulmanes francophones au Québec. Ce sera l'occasion d'entendre l'expérience personnelle de femmes portant le hijab, d'avoir l'écho de leur expérience de terrain parmi les femmes musulmanes aujourd'hui racisées, le tout accompagné d'une chercheuse qui nous présentera un portrait de la situation des femmes musulmanes au Québec et de leur lutte actuelle. Commencer cette émission, nous allons aller en musique avec Kerry James, Lettre à la République. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant, ces riches ont d'honneur de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains.